Les militaires et civils coréens ont célébré le 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée. Le 19 courant, les militaires, travailleurs, jeunes élèves ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en bronze et portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il pour leur rendre hommage. Devant leur statue érigée sur la colline Mansung, se trouvait déposée la corbeille de fleurs envoyée par le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, premier président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée. Y ont été déposées les corbeilles, bouquets et tiges de fleurs au nom des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des formations sociales, des ministères, des établissements centraux, des unités de l'armée populaire de Corée et des forces populaires de l'intérieur de Corée, des établissements, entreprises, usines et écoles de tout échelon de la ville de Pyongyang. Les statues en bronze et les portraits en sourire des grands leaders dans divers endroits de la capitale et dans tous les autres endroits du pays ont été fleuris également par les unités de l'armée populaire, établissements, entreprises et universités. Par ailleurs, le même jour, les spectacles ont eu lieu dans les théâtres de la ville de Pyongyang comme le théâtre de Moranbong et le grand théâtre de Pyongyang et dans les théâtres locaux. Ensuite, les bals des jeunes étudiants se sont déroulés à la ville de Pyongyang et au chef-lieu de chaque province.